pour la première fois en France. La petite voix, la la la. Réveil sonne depuis déjà longtemps. Encore une fois, je pensais avoir le temps, mais je me rends compte vraiment trop tard que je suis en retard. Prends ma douche sans la chauffer, boire un café serré. J'ai le temps de m'habiller, mais pas celui de me soigner. Je dois voir mon directeur, lui présenter mes excuses, car il m'impose d'arriver à l'heure, que je ne sois pas saluse. Trop de stress accumulé, rien qu'en début de journée. Heureusement, j'entends au fond de moi cette voix. Oublie toute cette pression. Ton travail n'est pas ta vie. Tu sais bien que dans le fond, le stress c'est ton ennui. Alors relâche tes sphincters, c'est temps. Plus ou moins lâche un peu d'air. Et même si c'est tout bas, écoute cette petite voix. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la. Distress la la. Je crois que je vais couper ce trip, car je crois qu'on toque à la porte. Voici les comptes de résultats des années. Je vais vous détailler du concret associé au bien. D'ailleurs, on va sucrer vos congés. Paternité, le temps pour vos enfants, fallait y penser avant. Préfère une pause, voire un vrai break. Mais la pause de midi n'a d'excitant que le steak. Dur de se faire dans le groupe une place de choix. Attraper un sourire est déjà un exploit. Et aujourd'hui c'est la grève, je vais devoir courir pour arriver chez moi au moins une heure avant de dormir. Courir, courir, courir sans s'arrêter. Courir, courir sans jamais se retourner. J'en ai marché tout plaqué, dire à mon directeur que ça serait le mal d'heure. Cet endroit où je n'ai pas le choix d'exprimer mon avis, c'est ceux des autres que je subis. Je suis trop ancré dans le système, sa pression continue, on dirait que je l'aime. Je passe mon temps dans ce trou à rats. Tout ce qui me reste, c'est cette petite voix. C'est cette petite voix. Oublie toute cette pression, ton travail n'est pas ta vie. Tu sais bien que dans le fond, le stress c'est ton ennui. Alors lâche tes sphincters, si t'en as envie, lâche un peu d'air. Et même si c'est tout bas, écoute cette petite voix. La la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On finit a cappella. On finit a cappella. Oublie toute cette pression, ton travail n'est pas ta vie. Tu sais bien que dans le fond, le stress est ton ennui. Alors relâche tes sphincters. Si t'en as besoin, lâche un peu d'air. Et même si c'est tout bas, dis-toi que t'as le choix. Ouais, ouais, ouais. Tu t'es enregistré là toi? Ouais. Allez, allez.